C'était le 14 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors donc on était donc dans la parcelle d'orge de printemps. Donc j'avais mis un déchaumeur dans le champ parce qu'on sait que l'orge de printemps avec le feuillet c'est très inflammable. Et puis donc comme on peut le constater, on a des silex. Et l'effet combiné de la sécheresse, de la chaleur, du vent à 50 km/h ce jour-là fait que la coupe en touchant le sol a touché un silex et ça a enflammé la paille. Vous étiez où à ce moment-là, vous ? Alors moi j'étais au bout du champ dans mon déchaumeur, c'est ce qui a permis, comme on voit, de limiter le feu. J'ai tout de suite passé à un déchaumeur pour faire un coupe-feu, donc ça m'a fait qu'une quinzaine d'hectares de brûlés. Et puis surtout le vent venait en direction de l'autoroute et donc ma crainte c'était l'accident sur l'autoroute, ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement. Bon, il n'y a pas eu de blessés graves, hein, mais ça, la fumée a provoqué un carambolage, quoi. Donc on a passé du déchaumeur, vous voyez, le long de l'autoroute là. Mais la fumée avec le vent allait quand même sur l'autoroute. Voilà. T'as mis combien de temps à s'arrêter finalement? Oh, on a été une heure quoi pour le circonscrire, oui. Ouais. Parce que donc après là ça avait quand même pris dans l'herbe. Donc il a fallu que les pompiers enjambent le grillage de l'autoroute pour éteindre dans le talus de l'autoroute. Donc en tout, oui, ça a pris une bonne heure, ouais. Et quels sont les dégâts, ça donne quoi? Alors donc moi j'ai eu une quinzaine d'hectares de chaume et un hectare d'orge de printemps sur pied. Donc j'ai eu qu'un hectare de céréales de brûlé, quoi. On est arrivé justement en étant présent avec nos unités de déchaumage, on est arrivé à limiter pour que ça ne parte pas aussi sur le champ de blé du voisin qui lui n'était pas moissonné. Donc j'ai passé du déchaumeur le long de son champ de blé pour éviter que ça se propage, quoi. Voilà. Et lui, sa surface c'était combien? Alors lui, là, il y avait un premier qui avait 11 hectares et après un autre qui avait une vingtaine d'hectares. Si ça s'était propagé, ça aurait pu... voilà. Ouais. Voilà. Donc en ayant limité à un hectare, on a été assez satisfait d'avoir contrôlé ça comme ça, quoi. Ouais. Comment ça se passe au niveau assurance, justement? Si c'est un hectare, c'est pas, on se met vite d'accord finalement, il n'y a pas besoin de faire venir un expert? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. À ma déclaration téléphonique, ça s'est passé comme ça. Les deux parties étaient d'accord, donc ça s'est limité à ça, il n'y a pas eu de déplacement. C'est ici ou ailleurs où il y a eu ce que les pompiers appellent des sauts de feu? Alors c'est pas ici, donc des sauts de feu, c'est quand le feu saute la route ou l'autoroute. J'ai vu dans l'Est éclair justement, je ne sais plus sur quelle commune ça s'est produit, mais oui, j'ai vu ça. Bah ouais, avec le vent, on a un fétu de paille qui s'envole, qui part en tourbillon, et puis qui retombe de l'autre côté, et ça reprend de l'autre côté. Les autres années, on a quand même de la rosée le matin, donc ça flambe pas comme ça, mais cette année, on n'a pas du tout de rosée le matin. C'est vraiment archi sec, hein, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Et donc, ce qui fait que bah, ça part comme ça pour un rien, quoi. On prévoit des outils de déchaumage au champ avec une personne dedans en surveillance. Sur la moissonneuse, on a extincteur et pulvérisateur à eau. Et donc, voilà. Et donc, dès qu'on voit pas fumer, on bondit. Et donc, normalement, quand il n'y a pas de vent, ça se limite à quelques mètres carrés, hein, tout de suite. Mais là, c'est le vent qui fait que... comme vous avez parlé tout à l'heure, l'effet de saut, j'éteins un moment avec mon Canadien et puis le vent, hop, il rallume plus loin. Et donc c'est pour ça que là, ça s'est quand même répandu comme ça, quoi. C'est bénéfique quand même pour la terre après que ce soit brûlé comme ça? Ah bah non, moi je suis pas content. Non, je suis pas du tout content parce que là, je perds toute ma... l'humus provoqué par la paille. Volontairement, moi je ramasse pas la paille. Il y a quelques exploitants qui sont obligés de ramasser la paille pour faire une certaine culture ou pour vendre la paille. Moi, je renfouis toujours mes pailles pour gagner ma matière organique. Donc là, je vous avoue, pour moi, c'est une déception qu'il y ait une quinzaine d'hectares de brûlés. J'ai perdu une quinzaine d'hectares de matière organique, quoi. Voilà. Mais bon, c'est accidentel, donc on n'y peut rien. Mais non, c'est pas du tout bon pour la terre. Voilà. Ça peut repousser son problème l'année prochaine ou quoi? Ah oui, sans question de ça, il n'y a que la surface qui est brûlée, hein, la terre n'est pas abîmée, hein, c'est que la paille qui est brûlée, donc la matière organique. Mais à court terme, ça ne pénalise pas, c'est à long terme, donc j'aurai moins de matière organique. Si je fais une analyse de terre, dans les années à venir, j'aurai moins de matière organique là qu'à côté où c'est pas brûlé. Voilà. Alors moi je suis installé depuis 1985, donc voilà, faut faire le calcul, ça fait un petit bout de temps. Voilà. Chaque année ça se passe ou c'est la première fois que vous êtes confronté à une telle sécheresse? Non, c'est pas la première fois. Ah, une telle sécheresse, Oui, quand même. Hein. Là, c'est quand même assez prononcé. Hein. Mais l'incendie, non, c'est pas la première fois. Hein. Dès que la coupe touche un silex, c'est dans de l'orge. Et à chaque fois, c'est dans de l'orge de printemps. Hein. Il y a un feuillet, c'est dans l'orge de printemps qui est inflammable. Et dans le blé, ça n'arrive pas. Donc, on prend d'autant plus de précautions dans l'orge de printemps. Quand la coupe touche un silex, rien qu'une étincelle avec le vent, ça fait chalumeau et ça s'enflamme. Et la sécheresse canicule depuis 85? Ah bah depuis 85, la dernière année avant celle-ci, je sais plus quand c'était. Bah, l'an dernier, on a déjà été confronté à une période de sec, hein, puisqu'on a eu du mal à faire lever nos colzas. Hein. Et puis, je crois que c'était 2013 aussi qu'il y en a eu une. Hein. Ouais. Ouais, c'était 2013 l'an dernier, puis cette année. Ça se répète quand même maintenant fréquemment. Ouais. Et les conséquences sur le reste de l'année, justement. Bah disons le donc notre souci de la sécheresse, c'est justement l'implantation des colzas. Et puis faire relever les mauvaises herbes, parce qu'on déchaume tout de suite après la moisson, on déchaume, on fait un faux semis, ce qu'on appelle, pour faire relever nos mauvaises herbes, et ensuite on travaille le sol, ça les détruit. Et si on a une sécheresse, ces mauvaises herbes ou les repousses de la culture précédente ne relèvent pas, et donc on les retrouve à la moisson. Et donc ça, c'est un souci, parce que donc bah, l'herbe se multiplie si on n'arrive pas à la détruire mécaniquement. Donc ça, c'est notre souci. Vous faites moins de Oui. maïs qu'il y a 10 ou 15 ans. Ça, ce choix-là a déjà été fait, Ça a déjà été fait. mais par contre, Vous évoluez. c'est la culture du colza qui, cette année, on fait 3 fois moins de colza. Du coup, là, pour la récolte 2020, je prévois 3 fois moins de colza Oui, c'est que ça, parce que si la sécheresse continue, bah, si ça ne pousse pas, vous. Dans le sud, dans le midi, ils ont arrêté le colza il y a de nombreuses années. Et bon, bah, nous, on se demande si ça va pas finir comme ça, quoi. J'avoue que moi, je suis inquiet, hein.